Chapitre 10e. Il fut convenu entre Sébastien et le régisseur de la Porte Saint-Martin qu'ils iraient à Montmartre pour examiner Geneviève et voir de quoi elle était capable. « Elle est très intelligente, » avait dit Sébastien, « elle comprend tout. »« Ce n'est pas comprendre qu'il faut s'y rendre. Et puis elle est très gentille, ça c'est quelque chose. » Ancien troisième rôle en province, Alteras n'avait jamais été qu'un mauvais comédien, mais c'était un excellent régisseur qui faisait très bien dire aux autres ce qu'il ne pouvait pas dire lui-même. « C'est-elle une scène quelconque ?» avait-il demandé. « Je ne crois pas, mais c'est des fables qu'elle dit dans la perfection. Enfin, nous verrons. » « Il est bien entendu que nous ne parlerons à mon père que si vous jugez qu'on peut l'engager. Il faut ménager sa fierté. Vous comprenez, un homme de son nom. » Alteras parut ne pas du tout comprendre qu'un homme de ce nom pût souffrir qu'on lui parlât de sa fille pour l'engager au théâtre de la Porte Saint-Martin, tandis qu'il ne tolérait point qu'on lui en parlât pour ne pas l'engager. Mais il ne fait pas tout haut ses réflexions, c'était un philosophe qui comprenait toutes les faiblesses. Sébastien avait prévenu son frère de se trouver à la Chartreuse, ce café de la Porte Saint-Denis, où se réunissent les comédiens de la province de passage à Paris, et les deux frères avaient pris là Alteras pour monter tous les trois à Montmartre un matin. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Geneviève occupée à travailler son piano dans le salon. Monsieur de Mussidan achevait sa toilette dans sa chambre, et Madame de Mussidan, comme toujours, travaillait dans la salle à manger, enfermée afin de ne pas pouvoir être surprise par les personnes qui venaient quelquefois voir son mari le matin, ce qui eût été tout à fait déshonorant pour lui. « Je vais prévenir mon père, » dit Sébastien. Et il laissa Alteras et Frédéric avec Geneviève. « Voulez-vous continuer devant nous, mademoiselle ?» demanda Alteras. « Si vous voulez, monsieur. Qu'est-ce que vous étudiez ?»« La cinquième sonate de Mozart. » Elle se remit au piano simplement comme si elle avait été seule. « Elle a un vrai talent, » dit Alteras, qui avait chanté le deuxième basse et qui était quelque peu musicien. « Elle a peu travaillé jusqu'à présent, mais elle est née musicienne. Comme elle est gracieuse au piano, c'est un plaisir de voir ses petits doigts courir sur le clavier. » Monsieur de Mussidan, en entrant, interrompit cet éloge. Ce fut du haut de sa grandeur et avec un certain dédain qu'il regardait cet homme au visage rasé. « Mon fils m'a dit, monsieur, que vous désiriez entendre ma petite fille dont on vous a parlé, pour réciter une fable. Je suis tout disposé à vous faire ce plaisir. Asseyez-vous, je vous prie. » Alteras était habitué à la majesté des rois de théâtre. Il fut cependant frappé de la façon dont cela fut dit. « Veux-tu nous dire le loup et l'agneau ?» demanda Sébastien. « Si vous voulez, » répondit Geneviève, quittant le piano et venant au milieu du salon. « Donnez toute votre voix, mademoiselle, » dit Alteras, qu'il examinait attentivement des pieds à la tête et, au lieu de s'asseoir, tournait autour d'elle avec une curiosité toute franche. « Vous allez la troubler, » dit Frédéric. « Mais non, cela ne me trouble pas du tout, » dit Geneviève. « Bon, ça, très bon, » dit Alteras, s'asseyant. « Commencez. »« Surtout ne fais pas la bête, » dit Monsieur de Mussidan. Sans répondre, elle commença. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Vous voyez comme elle dit le récit, » interrompit Sébastien. Avec une justesse extraordinaire, de l'intelligence, de la grâce et une petite voix claire qui porte bien, » répondit Alteras, « c'est parfait. « Attention !» continua Sébastien, s'adressant à sa sœur. « Maintenant, nous allons jouer la scène du loup et de l'agneau. Tu es l'agneau et moi je suis le loup, cet animal plein de rage qui vient te surprendre au bord de l'onde pure. » Et grossissant sa voix, il récita. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Tu seras châtié de ta témérité. » Aussitôt Geneviève, d'un air timide et doux, en vrai agneau, répliqua « Sire, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant, dont le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Bravo !» interrompit Alteras en applaudissant. « C'est très bien, très bien. » »« À moi, » dit Sébastien. « Tu la troubles, et je sais que de moi tu m'as dit l'an passé. » Attentive à la réplique, Geneviève répondit avec innocence. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Je t'aime encore ma mère. » Sébastien s'écria. « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » Ouvrant ses grands yeux limpides et le regardant avec un sourire rassuré, elle dit « Je n'en ai point. » Alors, entrant en fureur, Sébastien s'écria. « C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, il se jeta sur elle, la prit dans ses bras et l'emporta au fond des forêts pour la manger. Altaras applaudissait bruyamment et criait « Tous, tous !» Quand Sébastien revint du vestibule, tenant sa sœur par la main, le régisseur précisa son approbation. « C'est la nature même que cet enfant, pas une mauvaise intonation, pas un geste faux, qu'est-ce qui lui a donné des leçons ?»« Personne, » dit madame de Mussidan. « Maman, » dit Geneviève, « c'est avec maman que je travaille. » « C'est-à-dire que sa mère lui fait réciter ses fables, » continua monsieur de Mussidan, « mais sans lui montrer comment il faut les dire. »« Je comprends, elle les dit avec sa nature, et c'est là ce qu'il y a de remarquable en elle, elle a le don. » « Voulez-vous qu'elle vous chante quelque chose ?» demanda Sébastien, très satisfait de la tournure que prenait l'examen. « Volontiers, seulement pas un morceau d'opéra. J'aimerais mieux une chanson, quelque chose de gai ou de sentimental, où puisse montrer le caractère, vous comprenez ?»« Chante ta branle, » dit monsieur de Mussidan. Elle se mit au piano et s'accompagnant, elle chanta. « Pour qui coudez-vous, ma petite brunette ? Pour qui coudez-vous ? Monsieur, c'est pour vous. Coudez-y donc ben, ma petite brunette, coudez-y donc ben, dans tu linge fin. » Elle faisait gracieusement alors l'air, qui était vif et enlevé, et c'était avec gentillesse qu'elle disait les paroles, mais sans appuyer. « Charmant !» s'écria Altaras. « Elle ferait crouler une salle. Elle a même la mesure, c'est très curieux. »« Elle est bonne musicienne, » dit monsieur de Mussidan. « Oh, ça, je m'en fiche. Je veux dire qu'elle a de la mesure dans l'expression, ce qui est autrement intéressant. » Puis s'adressant à monsieur de Mussidan personnellement, « J'ai déjà vu un enfant qui valait presque votre fille, monsieur le comte. C'était un petit garçon avec qui j'ai joué la comédie à Bordeaux. Il avait été élevé à Venise sur une terrasse, sans jamais descendre dans la ville, sans camarade, sans frère ni sœur. Arrivé à Bordeaux avec ses parents, on lui donna un rôle, par hasard, parce qu'on ne trouvait pas d'autre enfant. Il le joua si bien qu'on monta plusieurs pièces, exprès pour lui. Depuis, il allait dire, depuis il est mort. Mais il se retint, à temps. Il n'était point sot. Il avait senti que son histoire n'avait pas besoin de cette conclusion. Ce n'était pas le lieu. Mais ce souvenir l'avait jusqu'à un certain point attendri, et c'était avec émotion qu'il regardait Geneviève, ou tout au moins avec les signes qui, au théâtre, sont censés représenter l'attendrissement. Les sourcils relevés obliquement, les coins de la bouche abaissés, le front plissé, le pied droit battant le tapis, la main levée à la hauteur du menton et tremblant. Après un court moment donné à cette expansion sympathique, il appela Geneviève près de lui, d'un signe de main et la regardant dans les yeux. « Cela vous gêne-t-il de vous coucher tard, mon enfant ? » demanda-t-il avec plus de curiosité que d'intérêt. « Je ne sais pas. Je ne me suis jamais couché tard. C'est maman qui se couche tard. Je voudrais bien veiller avec elle, mais elle ne me l'a jamais permis. À 9 heures, dodo. » « Vous n'allez donc pas au théâtre, quelquefois ?»« Jamais je n'y étais. Vous n'aimez pas le théâtre ? Aussi, je l'aimerais bien. » « Cela me fait quelquefois envie de regarder de notre balcon les gens qui font queue en bas le dimanche et le lundi. Il faut qu'ils aient joliment envie d'entrer pour arriver de si bonne heure. Il y en a qui emportent des tabourets pour s'asseoir en attendant. Ils ont l'air si heureux quand les bureaux s'ouvrent. Eh bien, je vous offrirai des places dans un théâtre plus grand et plus beau que celui de Montmartre. Ah, quel bonheur! C'est maman qui va être contente. Elle a été une fois au théâtre. Elle a vu le duc Job. C'est bien. » interrompit M. de Mussidan que ses bavardages gênaient. Cet homme à face rasée n'avait pas besoin de savoir que la comtesse de Mussidan n'avait été au théâtre qu'une fois dans sa vie. C'était ridicule. Cependant, il crut devoir expliquer pourquoi la comtesse n'allait pas au théâtre. « Depuis son enfance, cette petite a toujours eu besoin de soins, dit-il, d'une tendre surveillance, et sa mère ne la quitte pas. » Mais cette explication, qui pouvait sauvegarder la dignité de M. de Mussidan, ne faisait pas l'affaire de Sébastien, qui ne voulait pas qu'Altaras pût croire que Geneviève était si faible que cela. « Vous savez, dit-il, c'est là une inquiétude de mère qui pousse les choses à l'extrême. En réalité, la petite est solide. Tenez, voyez. » Il releva les manches de l'enfant pour montrer ses bras. « Vous pouvez tâter, c'est ferme. » Mais Altaras n'usa pas de la permission. Il s'était tourné vers M. de Mussidan. « Monsieur le comte, j'aurais une affaire à vous proposer, et s'il vous plaisait de descendre au café du théâtre, nous pourrions causer librement. »